moi de faire une confidence. Pour moi, ce n'est pas une coïncidence. S'il n'y a pas eu encore d'incidence, alors j'imagine nos deux corps incidents. Je te ferai des choses auxquelles t'as jamais pensé. Et si tu oses, tu seras récompensé. Sa pose et ose sera de te voir pencher et de ne pas flancher. T'auras donc pouvoir éveiller tous mes sens quand tes doigts vont toucher à ma fumée. Sens comme l'impression d'être retourné à l'adolescence. C'est chaud, donc ralentissons. Faisons l'amour ce soir jusqu'au petit jour, unis dans le noir. Je ferai tout pour te voir heureuse et comblée encore et encore. Alors faisons l'amour ce soir jusqu'au petit jour, unis dans le noir. Je ferai tout pour te voir heureuse et comblée encore et encore. Alors faisons l'amour. Regarde-moi dans les yeux, je suis à toi si c'est ton vœu. Oui, on fera que tu veux, mais ne joue pas avec le feu. On garde à ne pas te brûler, juste stimuler toutes tes envies, dissimuler sans simuler. Oui, je ne vais pas me faire prier pour te déshabiller. Je veux juste voir tes yeux briller en te faisant vaciller. Écoute, je vais faire en sorte de combler chacune de tes envies. Je vais tellement te donner que tu te sentiras en vie. Je cocherai la liste de tes vœux pour qu'ils soient assouvis. Je n'arrêterai pas jusqu'à ce que tu trembles et que tu me cries oh oui, oh oui, oh oui. Faisons l'amour ce soir jusqu'au petit jour, unis dans le noir. Je ferai tout pour te voir heureuse et comblée encore et encore. Alors faisons l'amour ce soir jusqu'au petit jour, unis dans le noir. Je ferai tout pour te voir heureuse et comblée encore et encore. Alors faisons l'amour. Ok, can't let the man on my car. Je vais huiler ton corps le matin dans le but de te détendre. Si t'en veux encore, soit dit en passant, demande seulement de descendre. Tantôt sensuel, tantôt dominant avant de te surprendre. Fais ma confiance, après ça tu diras que je suis le seul homme à avoir su te prendre. Le rythme de mes coups de rein donnera la cadence. La densité des va et vient montrera la décadence. Pour ton plaisir, j'userai de toute mon expérience et comblerai chacune de tes espérances.